Je pense qu'on a quelque chose à l'écouter, Mathieu. Ouais, quelque chose qu'on remet. Qui va nous faire rire. Ah, ça va nous mettre sourire. De rire. Oh oui, comme tous les matins de la semaine. Voilà. Voici un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 22 septembre 2014. Dans quelques instants, David Ferron. Bien sûr. Et sa chronique Les Notes Salées. Mais avant ça, les passagers. Oui. Oui, achetez ta peau. Tout de suite, assemblage requis. Sur C'est fou. Alors, je ferais pas la peau de David. Tu ferais quoi avec ça? Lui la donne gratuite. T'es en train de nous montrer sa peau. La future peau de David devant un feu de foyer. Ah, oh, mon rêve. Pas de coucher dessus, là, juste qu'il soit inactif. Non, non, inactif quelques instants. Il fait comme température bizarre. C'est mixte un peu. Mais bon, c'est comme froid dans les os et chaud sur la peau. David, c'est un homme tiède, je te dirais. Pourquoi? Juste température pièce. tablette. Mais tablette Android, pas tablette Apple, parce qu'il est tout en train de parler contre Apple. Oh, tu manges des herbes salées. Salées. J'avais oublié qu'on avait une chanson à faire. Steph, une chanson était préparée comme toujours. Il est toujours bien... Aïe, j'en reviens pas. T'es préparé combien de temps, Steph? Une bonne fraction de seconde. Environ. On accueille Anne-Marie Gauthier. Il faut qu'on trouve un nom de chronique. Moi, j'ai pensé à, tu sais, parce qu'on va faire des coups de cœur, un peu des choses que t'aimes dans la vie en ce moment, mettons, tu sais. Ben là, tu l'aimes tant que ça, Anne-Marie Ledon. Comme Marie Ledon. Anne-Marie Ledon. Oh mon Dieu, pour vrai, je savais que ça allait être mauvais, mais pas à ce point-là. J'avais averti au moins que ça allait être mauvais. Non, mais j'étais pas prête à temps. Non, okay. Commençons en musique avec Eugène et le cheval. Voici la façon que je me sens aujourd'hui. Invincible. Est-ce que je décèle un peu de sarcasme? Ah, à peine. Non, c'est que je suis pas vincible. Je suis juste... Vincible? Ouais, ben c'est... C'est vrai que c'est bizarre. Ouais. Ce qui nous amène, après s'être saoulé, à fourrer comme des lapins. Voici qui sexy time. Hein? Et voilà. Mais j'aimerais mieux autre que des lapins. Les lapins, je veux dire, c'est fini. C'est déjà fini. Okay. Si c'était des lapins. On fourre comme des quoi, donc? Non, des escargots, ça va, ça dure comme 12 heures. OK, donc après avoir bu autant, fourrons comme des... C'est escargots! C'est escargots! Tu sais, c'est un peu gluant. C'est mou. Ouais. Tu connais Monomythe? Ben oui. C'est pas juste... C'est pas comme l'ours... c'est pas comme le Yeti, là, puis... Secret et plus mode plein air. C'est quoi l'autre magasin? Je cherchais un autre magasin comme le Yeti, tu vois. Parce qu'on n'est pas sûr que ça existait. C'est un commerce, c'est un gag de commerce qui s'appelle Yeti. Elle était bonne. Merde. T'as bonne. Non, mais je suis sincère, elle était réfléchie. Merci, j'ai vraiment essayé, tu sais. Mais je fais juste ça, essayer. Des fois, il me vient l'envie de te dire des choses, mais dans un ordre. On aurait dit un début de toune de Nicolas Ciccone. Des fois, je m'en vais. De te dire des choses. Ça pourrait être un placebo. Ça pourrait être un placebo. Quand tu fais un bon repas, hein, avec de l'ail dedans sur tes pâtes, là, qu'est-ce que tu vas dire à la fin de ça, Steph? J'ai le mot, vas-y, c'est à toi. Sinon, je vais te le dire, mais faut que tu le devines, parce qu'il est vraiment évident. Hein, je sais pas, je sais pas où tu t'en vas. Hein, c'est plat, c'est beau! Mon spaghetti, c'est placebo! Ah mon Dieu, à qui c'était ça? Ben oui, c'est mon jeu de mots facile. J'ai trouvé 25 cents à terre tantôt, maman. Toi, pour quel prix te baisses-tu, genre au minimum? Est-ce que tu te baisserais pour un 5 cents ou un 10 cents? Oui. Oui. Une scène, moi, non? Une grosse pute à scène de plancher. Ouais, je vois ça. Il y a un 5 cents à terre, penche-toi. Je suis pas naïf. C'est les amandes dans le chocolat qui en donnent trois. Des fois, c'est chanceux, il en tombe une quatrième. Mais souvent, c'est comme une excroissance de pinot. Elle est comme un peu tout croche puis un peu plus petite que les autres. On les aime. C'est un peu comme notre public difforme aussi qu'on aime beaucoup. Oui, on les mange. Pas notre public, les bonbons, en ce cas-ci, oui. Tu adaptes ton langage, tu réponds aux besoins en allant chercher les gens avec leurs différentes réalités. T'es touche, yo, bro! Exactement. Donc, ça, c'est ton public à toi. C'est public de marron. le public de C'est fou, c'est les yo. Non, vraiment pas. On vous aime. On vous aime. On vous tolère. On vous tolère les yo. C'est ça. Non, pas les yo. Les morons. Pour rendre accessible le langage. C'est ça qu'on a de la difficulté à déterminer parce qu'on a comme déterminé tantôt que j'avais comme un fan club de morons. Non, hier. Je pense que t'étais le directeur général des morons. C'est ça. Et on est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières, ici même. Tellement. C'est vraiment vrai. Ben oui, on n'est pas dans notre salon ni dans le vôtre. Donc, aujourd'hui, l'émission, Steph, premièrement, ça va bien? Ouais. Et toi? Ça va être le sujet principal de l'émission d'aujourd'hui. Notre humeur. Donc, aujourd'hui, l'émission, ça va bien? Oui. Puis là, ça va-tu bien? Ça va encore mieux que tantôt, mais moins bien que plus tard. Et on devrait apprendre de ces non-erreurs. Pourquoi j'ai dit ces non-erreurs? Je sais pas, c'est une liaison qui ne se fait pas vraiment. En tant que reine du français, tu devrais savoir ça. Non-erreur. Ça se dit pas. Non, c'est ça. Non-erreur. Fait que j'invente un mot, c'est tout ensemble et c'est non-erreur. Mais je pensais que j'étais un petit peu folle puis j'avais buzzé en entendant ça. Pour ça, c'est deux questions que tu me poses? Hein? Je pensais que j'étais folle et aussi. Ah non. Je te pose besoin de répondre à ça, okay. S'il te plaît. Après la pause, là, on fait-tu les instructions d'assemblage? Oui! Oui, on va se dire comment mieux vivre tous ensemble. Comme des petits lapins, on va vivre mieux ensemble, les copulés. Non. On va juste... Toi puis moi, ou on peut inviter d'autres gens? Comme chacune des requines. Juste des requines. Okay. Les requins, mais femmes. Puis moi? Fanny Bloom! Ah oh, oui! Oui! Et son hommage à un humoriste québécois. Sugar Sammy. Sugar non, Sammy? C'est pas vrai du tout. Voici juste Sammy, Sammy. Et sa flûte de pain. Aimes-tu ça? Ben, ça dépend. Aujourd'hui, c'est la fête à James Heineman. Oui, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Je pense qu'il était dans... depuis Rumeur, il était dans... Trauma, je pense. Hein? Hein? Non, non. James Heineman, des stupéfiants, Mythbusters. Ben, c'est ça que je dis. Il y a une grosse moustache et un béret là, dans Rumeur. Il fait exploser des affaires. Il fait exploser des cadavres dans Trauma. Vas-y, c'est Mathieu. C'est lui, ça, dans Rumeur? Oui, pareil. Justine Persine, oui, enfin, avec une heure de délai à peine. Pas grave, on lui parle. C'est mieux qu'une semaine. Tu peux parler, Justine. Défends-toi. Pour ma défense, j'ai pas de défense. C'est pas un éléphant. Non, mais j'ai une défense. J'ai eu effectivement un contre-temps d'une heure ce matin. Je m'en excuse, mais je suis là. C'est pas une question de sommeil. C'était du sommeil récupérateur d'un été à ne pas dormir. C'est une question de sommeil, pareil. Non, mais c'était la veille. J'étais pas censée me coucher pour me réveiller le lendemain. J'étais censée juste faire un somme. Je vois juste... On peut parler entre vous. Exactement. Donc, ouais, fait qu'à quelle heure tu t'es couché, là? À 7 heures. T'as dormi jusqu'à matin? Oui. Mais en fait, jusqu'à ce que Mathieu me texte pour me dire 8 heures, hein? 8 heures? Hein? Oh, non. J'ai dit que j'étais dans le jus. J'ai un lit d'eau. Un lit de jus de pomme. Toujours à son âge avec Stéphanie Paradis. Et avec Mathieu Plante. Justine Renaud avec nous en studio. Hey, bonjour, bon matin. Celle qui claque des doigts et tape des mains. Ou claque des mains et tape des doigts. Des orteils. Tape des doigts, c'est moi. Tape ses joues. OK. C'est ses fesses. Ça sonne creux, c'est pas normal. Les trois chansons parlaient d'automne. Non, ils parlaient pas nécessairement d'automne, mais en tout cas, il y avait au moins une composante d'automne, c'est-à-dire des feuilles ou des affaires qui sont mortes comme des feuilles. OK? Et j'ai le là-dessus. Oh! Il est trop tôt, Mathieu! Moi, je l'aimais, j'ai la tulipe. C'était probablement la personne la plus vieille qui réussit à me faire rire, là. Gilles Latulippe n'aurait pas été fier de cette semaine d'Assemblage Requis où les blagues volaient très bas. Mm-hmm. Ouais. Et donc, c'est les meilleurs moments d'Assemblage Requis pour la semaine du 22 septembre 2014, toujours avec une semaine de délai, étant donné que la semaine n'est pas encore terminée au moment où on se parle le mercredi. Et voilà. Voilà. Donc, écoutez-nous du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30. Peut-être que la semaine prochaine, on aura eu un petit peu plus de sommeil. Peut-être qu'on sera plus drôle. Ah ouais. Peut-être pas aussi. Peut-être que t'es pas assez fatigué pour réécouter. Jokes. Ah, c'est ça. Sûrement, je les trouverais drôles. J'étais plus fatigué en ce moment. Ah, c'est ça l'histoire. Arrête de dormir. C'est de stymer le sommeil. De stymer le sommeil. Ouais. Donc, Assemblage Requis. Voilà, et on fait un instant classique en milieu d'émission à chaque semaine. Oui, monsieur.